J'entends cette musique, cette douce musique qui me répète toujours, il arrivera le jour où je l'aimerai à la saison de mai. Cette musique, cette douce musique qui accompagne sans fin mon grand amour en chemin pour me prendre par le cœur et m'emporter vers le.